Ceux qui donnent leur tout à Dieu se placent entièrement devant lui. Ils peuvent obéir à ses paroles de tout leur cœur, mettre ses paroles en pratique. Si tu agis selon sa volonté, renonçant à la chair, œuvrant pour satisfaire sa volonté, tu entreras dans la réalité de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Ils font de ces paroles la pierre angulaire de leur existence, cherchant les portions de la pratique dans les paroles de Dieu. Ce sont des gens qui vivent vraiment, vivent en présence de Dieu. Si tu agis selon sa volonté, œuvrant pour satisfaire sa volonté, tu entreras dans la réalité de la parole de Dieu. Qui est bon pour ta vie, satisfait sa volonté, mangeant et buvant ses paroles, tu peux répondre à tes besoins, gagner ce qui te manque, être transformé, et tu satisferas sa volonté. Si tu agis selon sa volonté, satisfaire sa volonté, tu entreras dans la réalité, la parole de Dieu. Si tu agis selon sa volonté, renonçant à la chair, œuvrant pour satisfaire sa volonté.